¿Ahora sí? Bien, pues entonces, para clausurar este coloquio, voy a darle primero la palabra al director del Colegio Internacional de Traductores de Arles, en Francia, que va a presentar una... un cierre para este coloquio en francés y al que intentaré interpretar en un momentín si es necesario o todo el mundo aquí en la sala entiende el francés correctamente. Básicamente. Bien, pues intentaré al menos resumir lo que nos viene a contar. Buenas tardes. Donc, je vais essayer de parler, puisque j'entends que vous êtes presque tous francophones, en tout cas personne ne s'est manifesté pour dire que ça poserait un problème, je vais essayer de parler pas trop vite, et si je m'emballe, vous faites stop. D'accord. Je voulais juste donc vous dire quelques mots sur l'institution dont je m'occupe, qui est donc le Collège international des traducteurs littéraires. C'est quelque chose qui peut effectivement vous intéresser en tant qu'amateur de traduction, qui est venu ici par curiosité, ou étudiant se destinant à la traduction, peut-être littéraire, je ne sais pas combien d'entre vous se destinent à cela. En tout cas, il existe en France et plus généralement en Europe un certain nombre de lieux de résidence, dont celui d'Arles, qui ont pour vocation d'accueillir pendant un temps des traducteurs qui ont un contrat avec un éditeur et qui trouvent là un moyen de se concentrer sur le travail qu'ils ont à faire pendant un temps qui est un petit peu à part, et également pour les traducteurs étrangers qui viennent en résidence, d'avoir l'occasion de renouveler un bain linguistique et culturel, ce qui pour certains est tout à fait primordial. C'est moins difficile pour les Espagnols de venir en France que pour les Tadjiks, les Brésiliens ou les Japonais. Voilà, en tout cas, il y a cette nécessité-là pour traduire, c'est d'être toujours au contact d'une langue qui est un être vivant et qui évolue, et d'être au contact d'une culture, parce que vous le savez, on ne traduit pas seulement une langue, on traduit toute la culture qu'elle porte. Et alors, il y a donc là l'occasion d'être dans un lieu de travail, de concentration, et également un lieu de rencontre, puisque nous avons la possibilité d'accueillir en permanence une dizaine de traducteurs en même temps. C'est un lieu avec une bibliothèque qui fait 18 000 volumes, qui est spécialisée, et 10 chambres de résidents et un lieu de vie où ils se croisent, où ils échangent sur leurs pratiques. Ce lieu donc a pour vocation première d'accueillir des traducteurs en résidence. Il s'adresse également à des gens qui ne sont pas encore de plein pied dans le métier, mais qui ont un premier pied dans le métier. Et nous organisons depuis maintenant 3 ans des ateliers de traduction qui sont organisés sous le nom générique de la Fabrique des traducteurs. Il s'agit d'ateliers de 10 semaines qui partent du principe qu'il n'y a pas de meilleure situation de traduction que de traduire en compagnonnage avec quelqu'un qui traduit dans l'autre sens. Nous avons mis en place ce programme pour renouveler les générations de traducteurs du français dans le monde, et sur le principe d'un partenariat, d'un binôme, entre par exemple un traducteur traduisant du français vers l'espagnol et un traduisant de l'espagnol vers le français. 6 jeunes traducteurs vont en bénéficier prochainement. On va avoir un nouvel atelier qui va démarrer au mois de novembre, qui durera jusque mi-janvier à peu près. Et cet atelier, voilà, sera donc suivi par une succession de traducteurs confirmés et émérites qui vont accompagner les porteurs de projets dans leur traduction. Je dis porteurs de projets parce qu'on essaye de mettre les traducteurs en question en situation de choix, ce qui est un terme pour moi absolument essentiel dans la traduction, et là d'être aussi dans un choix éditorial, situation qu'on ne rencontre pas souvent, mais qui néanmoins est un horizon que je souhaite à tout traducteur, d'avoir la possibilité de choisir le texte sur lequel il travaille. Voilà, donc là, ce sont des choix, des propositions de traducteurs sur lesquelles ils travaillent, et on essaye de les accompagner jusqu'à une possible publication, c'est-à-dire de leur faire rencontrer des éditeurs, de leur faire rencontrer des gens qui portent un regard sur leur travail, si possible un regard diversifié, voire même contradictoire, pour qu'ils aient la charge d'en faire la synthèse et d'affirmer leur choix esthétique de traducteur. Traduire, c'est mettre en œuvre sa subjectivité. Et voilà, c'est à travers le parcours des 10 semaines qu'on leur propose une prise de conscience de cette subjectivité et de leurs outils, de comment ils peuvent les élargir, que l'on vise. Voilà en gros pour nos activités. On s'inscrit dans un réseau de collèges européens, je l'ai dit. Je voulais vous montrer juste la page internet du collège. Ça vous permettra... Je crois qu'elle était cachée là. Non, c'est pas ça. Bon, alors, elle est perdue, mais je vais la retrouver. C'est où, Google ? Je l'avais mis en... La page de recherche est... Ah, elle est là, voilà. Voilà, elle est là. Donc, vous pourrez trouver à cette adresse-là toutes les informations, si vous êtes intéressé par ça. Donc, soit pour venir en résidence plus tard, ou dès maintenant, si certains d'entre vous ont un contrat, soit pour vous renseigner plus avant... sur les programmes destinés aux jeunes traducteurs. Nous sommes, je le disais, inscrits dans un réseau qui s'appelle RECI. Jusqu'à il y a peu d'années, il y avait un collège des traducteurs en Espagne, à Tarazona. Malheureusement, ce collège n'a plus les soutiens publics nécessaires pour exister. Je crois qu'il y a des recherches qui sont en cours, mais enfin ça, on pourra en reparler, pour faire exister un autre collège en Espagne. Voilà. Je tiens à votre disposition également des dépliants qui pourront vous donner davantage d'informations sur ce programme dont je vous ai parlé. Et je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui viennent par rapport à ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est aussi un lieu de vie littéraire, c'est-à-dire qu'on s'efforce dans nos missions de développer... une sensibilisation des publics aux questions de la traduction, c'est-à-dire d'avoir des rencontres, des débats avec des auteurs que l'on accompagne systématiquement, enfin qui sont toujours accompagnés de leurs traducteurs et qui sont accueillis à égale dignité et qu'on interroge sur leur travail. On se rend compte à cette occasion que les questions de traduction intéressent de plus en plus un large public, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas du tout... voilà, en parlant de ça, on intéresse au-delà d'un public de spécialistes. Il y a un bon nombre de gens parmi les lecteurs qui sont absolument passionnés par ces questions et qui viennent à nos rencontres. Voilà, je pense qu'il y a... Cet intérêt croissant accompagne d'une façon générale la circulation des textes et des idées et qu'il y a un avenir dans ce métier, même s'il est exercé dans des conditions très difficiles, en particulier en Espagne, je le sais. Il y a un avenir à la traduction littéraire. On sait que des machines progressent, que la traduction automatique à travers les moteurs booléens sont en très net progrès. Cela dit... Ça ne remplacera jamais la subjectivité du traducteur qui a pour tâche d'interpréter le souffle, d'être à la recherche de la trace du souffle de l'écrivain. Et ça, une machine ne peut pas le faire. Voilà, ce qui me donne un peu d'espoir quand même pour continuer à exister. Voilà, bah écoutez, à vous de me poser quelques questions si vous voulez, puis sinon je cède la parole au lecteur. Pas. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ou... Non, bon. Me pongo a disposición de la gente que a lo mejor ha tenido más dificultad en entender para explicarles un poco. El discurso era un poco largo para poder repetirlo ahora en estas condiciones y prefiero que también pueda empezar las lecturas y esto, pero por supuesto cualquier persona que tenga interés en conocer mejor la propuesta de este Colegio Internacional de Traductores Literarios, pues yo estoy a su disposición y con la ayuda de su director pues llegaremos a entendernos, yo creo. Bueno, nosotros hemos pensado que no vamos a hacer una clausura al uso, sino solamente una breve intervención. Esta es la primera actividad que organizamos en conjunto con el Instituto Francés. Y puedo decir ya que la colaboración ha sido muy satisfactoria, que estamos muy contentos de haberla podido hacer. Y entonces le doy la palabra al director del Instituto Francés de Madrid que nos acompaña. Solo para decir dos cositas, pero para que tengan información, voy a decir en francés. Voilà, comme ça on fait travailler les interprètes et c'est mieux. Voilà, simplement pour vous dire qu'on a été très heureux de monter ce colloque avec Madame la Doyenne. La première année, on avait travaillé avec Casa de América à Madrid. La deuxième année, on a voulu se rapprocher de deux universités qui pour nous étaient les piliers scientifiques pour nous aider dans notre démarche. Au premier chef, l'université de Salamanque, où j'ai eu la chance d'étudier et que j'aime beaucoup. Et deuxièmement, l'université de Toulouse-Le Mirail. Ce qui fait que pour le prochain colloque, qui sera le numéro 3, on continuera notre aventure avec Madame la Doyenne et on va essayer d'aller encore plus loin. Et je voulais faire un tout petit peu de publicité pour mon Institut français d'Espagne. Refrescate, aprende francés. Bueno, y muchas gracias a todos por asistir, por el apoyo, etc. Como en este centro la palabra la tienen los traductores, así es como vamos a concluir entonces realmente este coloquio. La palabra la tienen los traductores. Buenas tardes. Este, como lo oyes, es un como lo oyes un tanto especial, por eso las palabras que le dan comienzo van a ser palabras de bienvenida. Bienvenida, en primer lugar, a los representantes de la República Francesa, a los representantes del Colegio Internacional de Traductores Literarios y del Instituto de Iberoamérica, que ha colaborado también en la organización con esta facultad y que nos acompaña esta tarde aquí. Bienvenida a todos los demás, gracias por venir y gracias por sumar vuestras voces a las nuestras. Como lo oyes, se abre esta tarde a la voz en español de la literatura escrita en francés en todos los lugares de los que brota y a la voz en francés de la literatura escrita en español en todos los lugares de los que emana. Esta es la primera vez, es una singularidad más, que dedicamos a un idioma, un monográfico de nuestras lecturas y nos es especialmente grato que sea en la lengua en la que fue escrita la Marsellesa. Que la música de nuestras lenguas resuene esta tarde en esta Facultad de las Palabras, en pleno estallido de la primavera. ¿Cómo lo oyes? Bonsoir. Eduardo Berti est un écrivain argentin et qui, comme tous ceux de sa génération, c'est-à-dire qu'il a maintenant entre 40 et 50, est un fils caché de Borges et de Cortázar. Et il écrit de la poésie, des nouvelles et des romans. Et je vais vous lire une de ses nouvelles qui est extraite de son dernier recueil qui s'appelle en espagnol Lo Inolvidable et qu'évidemment j'ai traduit en français par l'inoubliable, même si c'est pas très français en fait, il faut bien le reconnaître. Ça s'appelle La lettre vendue. D'après une brève note du Writer's Notebook de William Somerset Maugham, les deux familles, qui au fond n'en constituaient qu'une, s'étaient résignées à ce rythme de vie. Depuis 10 ans, les deux hommes partaient d'avril à septembre vers une lointaine carrière du Sud. Très rarement, un camarade se joignait à eux, un autre employé saisonnier. Deux matinées par semaine, ils recevaient la visite, brève et euphorique, de Ramirez, qui emportait la production dans un camion tremblotant et déglingué et vérifiaient au passage l'état général des choses. Mais ils étaient presque toujours seuls, sans autre réconfort que la radio, audible les soirs de nuages bas ou les lettres qu'apportait le même Ramirez à moitié souillé et abîmé dans les coins. C'était comme si, avec les pierres, il payait le brave camionneur pour quelques mots barbouillés. 10 ans de cette vie avaient suffi à les endurcir, presque autant que le matériau contre lequel ils luttaient. Le plus vieux des deux, l'Urueña, grommelait que la saison actuelle serait la dernière qu'il passerait dans le sud. Le médecin ne l'avait-il pas dit quelques jours plus tôt qu'il était temps qu'il se soigne, qu'il se fasse faire des examens? L'autre, Castro, ne projetait rien de pareil. Tant qu'il serait capable de soulever une pierre, il continuerait à travailler à la carrière. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, il faisait constamment la même chose. Travailler, dormir, bavarder, se jouer des tours et retravailler, jusqu'à perdre la notion exacte du temps. D'une certaine façon, il sentait que durant ces mois, le monde n'existait pas hors de cette triste zone pierreuse. Le travail était si monotone et si peu intéressant qu'il pouvait le faire l'esprit vide. Personne ne leur avait expliqué à quelle fin il rassemblait des pierres. Cela ne les empêchait pas de dormir non plus. Mais il était évident qu'il y avait une raison. Il était clair qu'avec ces pierres, on élevait des murailles, on bâtissait des maisons, on construisait des chemins, des quais. Toute une série de choses, tout un monde de pierres domestiquées. 4 monticules entouraient, étranglaient même, la maison dans laquelle il dormait. Une baraque, en fait, avec 4 murs de tôle et un toit incliné du même matériau qui, lors des fréquentes nuits de pluie, devenait plus que bruyant, tintamarresque. Si, un jour où le ciel était bleu, il grimpait sur le plus haut des monticules de pierre, que Castro appelait montagne, il pouvait voir très loin le contour un peu troublé d'un port. C'était la seule chose étrangère à leur activité qu'offrait l'horizon, et même ainsi, il s'agissait encore d'une image de travail. Chaque année, en revenant à la carrière, ils avaient l'impression, mais c'était impossible bien sûr, que les pierres s'étaient multipliées comme une forêt qui repousserait. En fait, c'était que les 6 mois passés dans leur foyer, de novembre à mars, leur donnaient le sentiment que ce qu'ils avaient extrait avait démesurément grossi et que ce qui restait avait réduit de volume. Des saisons passées, ils ne se souvenaient guère des fêtes qui avaient altéré leur routine. Tout juste un accident auquel Urueña avait échappé par miracle. Tout juste de quelques tempêtes, mais aucune aussi forte et persistante que celle de cette année-là. Au début du mois de juin, chose inédite, ils avaient dû interrompre leur travail 12 jours durant. Même Ramirez ne s'était pas montré alors. Ils ne le revirent que lorsque la tempête commença à faiblir et ils leur apportaient dans une boîte de carton, une boîte à chaussures, aurait-on dit, toute leur correspondance accumulée. Il n'était pas rare que Castro reçoive plus de lettres que l'Urueña. Il en avait été ainsi depuis le début. Mais cette fois, la disproportion semblait exagérée. 15 lettres pour l'un, aucune pour l'autre. En juillet, il ne plut pas, exception faite de quelques averses isolées, mais l'Urueña ne reçut toujours pas de lettres. Peu à peu, il commença à envier Castro. Pour comble, avec l'antenne de la radio, il ne captait plus rien qui l'intéressât, comme si la tempête avait raréfié l'air au point d'emporter les chansons et les voix qui lui plaisaient. Vers le 2 ou 3 août, voyant que Ramirez n'apportait toujours pas de nouvelles, l'Urueña demanda à son ami de lui prêter une lettre, n'importe laquelle, il avait besoin de lire, de savoir ce qui se passait dans le monde extérieur, au-delà de cette sorte de muraille plate qui les encerclait. « Pas question !» s'écria Castro, pas loin d'être indigné par cette idée. Une semaine plus tard, l'Urueño revint à la charge avec la proposition suivante. Si la prochaine visite du camion ne mettait pas fin à sa longue attente, il paierait pour avoir l'une des nombreuses lettres adressées à Castro. « Payer ?» répéta l'autre, comme pour le corriger. Mais il finit par accepter, bien qu'il eût d'abord adopté le même ton scandalisé que lors de la conversation précédente. Ramirez arriva 2 jours plus tard. Il chargea le camion, comme de coutume, moteur en marche. Il s'excusa de ne pas apporter cette fois encore les cigarettes qu'il lui avait commandées. Et il allait partir quand il se frappa le front de la paume de la main. En murmurant « Zut, j'ai failli oublier !» il remit à Castro un sac noir qui contenait 2 lettres en tout. « C'est pour toi » expliqua-t-il. Dès que le camion fut reparti, Castro proposa à l'Urueña de choisir une enveloppe au hasard. L'Urueña plongea la main dans le sac noir, en tira la plus grande enveloppe, sans même laisser voir l'écriture de l'adresse à Castro, et lui tendit quelques billets en échange. Ils passèrent le reste de la matinée à travailler. Ils déjeunèrent, chacun de son côté, exceptionnellement, parce qu'ils voulaient tous deux lire leur courrier sans sentir ne fût-ce que la respiration de l'autre, ni le crépitement gênant de la seule lettre. L'après-midi, ils continuèrent à travailler sans échanger autre chose que quelques phrases de circonstance, et quand vint le moment de dîner, Castro, n'en pouvant plus, demanda à son ami ce que disait la lettre vendue. « Ça ne te regarde pas, » répondit Lourueña de mauvaise humeur. « Tu pourrais au moins me dire de qui elle est. » Avec véhémence, Lourueña refusa de lui donner cette information. La soirée se termina dans les cris des deux hommes fâchés. En se réveillant, Castro pensa que l'autre lui laisserait lire, tôt ou tard, cette lettre qui, en toute rigueur, lui appartenait. Loin de là, Lourueña ne lui parla pas de toute la semaine. Cette attitude était démesurée, incompréhensible. Ils avaient déjà eu des discussions violentes, mais aucune ne s'était terminée comme cela. En tout cas, Castro se rendait bien compte que, loin de retrouver le moral grâce à l'achat de cette lettre, Lourueña avait l'air sombre, était presque le vivant portrait de l'amertume. Et si, précisément, la raison de cette mauvaise humeur se trouvait dans la lettre. Au plus haut point intrigué, désireux de récupérer la lettre vendue, il offrit à son ami le double de la somme qu'il avait versée. « Te la revendre ? Je suis pas fou !» répondit Lourueña, moqueur. En plus d'être amis, ils étaient beaux-frères depuis que Lourueña avait épousé la sœur unique de Castro. À cause de leur différence d'âge, Castro était plus jeune de 13 ans, leur lien n'excluait pas un fond de relation filiale. Par expérience, Castro savait que Lourueña, chaque fois qu'il lui disait non, était de plus en plus obstiné et impossible à convaincre. Ce qui fait qu'il projeta de s'emparer de la lettre par des moyens moins diplomatiques. Au bout de 4 autres visites du camion, ils réglaient leur temps sur elle, Castro passa à l'offensive. Il avait consacré quelques nuits à examiner le coin où dormait l'autre et avait remarqué un sac, le sac noir apporté par Ramirez, dans lequel Lourueña rangeait les objets qui pour lui avaient le plus de valeur. Comme Lourueña dormait généralement d'une traite, il projeta de lui prendre la lettre une nuit, de la lire à toute vitesse et de la remettre à sa place sans que l'autre s'en rende compte. La manœuvre se révéla plus compliquée. Son compagnon, prévoyant, avait fermé le sac avec un ruban adhésif et il avait noué une cordelette ou un fil qui courait jusqu'au gros orteil d'un de ses pieds, si bien que dès que Castro voulut lui prendre son trésor, une sorte d'alarme s'activa et réveilla Lourueña. Ce qui suivit ne fut pas une discussion tranquille, mais une lutte sauvage. Lourueña sauta de son lit et saisit Castro à la gorge en l'insultant. De tous les coups qu'ils échangèrent, il y en a un qui émit un son différent. Castro vit Lourueña s'effondrer, comme si son corps s'était brisé en morceaux, désagrégé en mille pierres. Immédiatement, avec une froideur qui lui faisait horreur, il conclut que son ami était mort. Durant un instant, il oublia complètement la lettre. Il répéta le nom de Lourueña, lui effleura le visage, appuya sur sa poitrine. À 4 heures du matin, il ouvrit enfin le sac et se mit à lire. Il reconnut aussitôt l'écriture de sa sœur. La lettre lui était adressée, mais parlait de Lourueña. Bien plus, elle ne parlait pratiquement de rien d'autre. Il a une maladie grave, mais il ne faut pas le lui dire. Je ne veux pas qu'il le sache. Je veux seulement que tu lui épargnes les contrariétés et les efforts. Il détourna les yeux et les posa sur les jambes écartées de son ami. Il sauta quelques lignes. Il ne lui reste tout au plus que 6 mois à vivre. Dehors s'était levé un vent qui préparait l'aube. Dans quelques heures, quand Ramirez arriverait, il trouverait le cadavre au soleil, au pied du plus haut des monticules. Un accident, lui dirait-il. La même chose à sa sœur. Il est tombé brusquement, il était faible, c'est sûr. À quoi bon parler de la lettre vendue, de la bagarre ou du mauvais coup? En un sens, il avait tué quelqu'un qui était déjà mort. Buenas tardes. Yo he llamado a esta selección que he hecho de textos Momentos Estelares de la Literatura Francesa porque cuando yo leía ávidamente en la juventud, no es que ahora no lea, pero en fin, en la juventud leía más ávidamente y tenía más tiempo además, siempre había un momento cuando estaba leyendo un libro, no en todos los libros, pero sí en muchos, en que de repente me quedaba parada tras haber leído un párrafo o unas líneas, porque era consciente de que aquí hay un momento estelar en ese libro y quizá también en el conjunto de literatura francesa. No sé si era impresión mía o si era cierto o si mi opinión coincidía con más opiniones, en algunos casos sí. En cualquier caso son textos que a mí se me quedaron grabados como momentos vitales. Y andando los años he podido traducir buena parte de esos momentos estelares, de apropiármelos en cierto modo, lo cual me ha dado una gran sensación de felicidad, para qué decir otra palabra que no sea esa. Entonces he seleccionado algunos de ellos para esta lectura. Empiezo con un texto de Víctor Hugo de Los Miserables, que es La muerte de Gavroche. Gavroche es el pilluelo que apoya a los revolucionarios, a los insurgentes, que va con ellos a la barricada y que en un momento dado sale de la barricada cuando están disparando los soldados que están atacando la barricada del 6 de junio de 1832 a buscar cartuchos, porque se han acabado los cartuchos. Y entonces sale un poco escondidas porque sus compañeros no quieren que salga, sale a ir quitando de los cadáveres de los soldados muertos y quitando los cartuchos de las cartucheras. Esta es La muerte de Gavroche. El humo de la calle era como una niebla. Quien haya visto una nube metida en una garganta montañosa, entre dos escarpaduras cortadas a pico, puede imaginarse ese humo encerrado y como más denso entre las dos filas sombrías de unas casas altas. Subía despacio y se renovaba continuamente. El resultado era una oscuridad gradual que empalidecía incluso la luz del pleno día. Apenas se divisaban los combatientes de una punta a otra de la calle, que sin embargo era muy corta. Aquel oscurecimiento, que probablemente era algo que los jefes que iban a dirigir el asalto a la barricada pretendían y tenían calculado, le resultó de utilidad a Gavroche. Bajo las ondulaciones de este humo y gracias a que era muy menudo, pudo adentrarse bastante en la calle sin que lo vieran. Desvalijó las 7 u 8 cartucheras que le pillaban más cerca sin gran peligro. Iba arrastrándose boca abajo, corría a 4 patas, llevaba el cesto en los dientes, se retorcía, se escurría, ondulaba, hacía eses de un muerto a otro y vaciaba las cartucheras igual que un mono abre una nuez. Desde la barricada, en cuyas proximidades estaba aún, no se atrevían a decirle a voces que volviera por temor a llamar la atención. En un cadáver, que era de un cabo, encontró un cebador de pólvora en forma de pera. «Para la sed», dijo, metiéndose en el bolsillo. A fuerza de avanzar, llegó al punto en que la niebla de las descargas se volvió transparente. El resultado fue que los tiradores de la infantería de línea, colocados tras el murete de adoquines y en guardia, y los tiradores de los arrabales, concentrados en la esquina de la calle, se señalaron unos a otros de repente algo que se movía entre el humo. En el momento que Gavroche le estaba quitando los cartuchos a un sargento que yacía junto a un mojón, una bala dio en el cadáver. «Caramba», dijo Gavroche, «pues no me están matando a los muertos». Otra bala le sacó chispas al empedrado junto a él y otra más volcó el cesto. Gavroche miró y vio que las balas venían de los guardias de los arrabales. Se enderezó, enhiesto, con el pelo al viento, se puso en jarras, mirando fijamente a los guardias nacionales que le disparaban y cantó. «Son feos en Nanterre, la culpa es de Voltaire, tontos en Palaiseau, la culpa es de Rousseau». Luego recogió el cesto, volvió a meter en él sin dejarse uno de los cartuchos que se habían caído y avanzando entre el tiroteo fue a vaciar otra cartuchera. Una cuarta bala volvió a agarrar el blanco y Gavroche cantó. «No sé el paternoster, la culpa es de Voltaire, pajarillo soy yo, la culpa es de Rousseau». La quinta bala solo consiguió inspirarle una nueva estrofa. «Alegría es mi haber, la culpa es de Voltaire, miseria me equipó, la culpa es de Rousseau». Así siguió un rato. El espectáculo era espantoso y encantador. Gavroche, tiroteado, se burlaba del tiroteo. Al parecer se estaba divirtiendo mucho. Era el gorrión que picotea entre los cazadores. A cada descarga contestaba con una estrofa. Todos lo apuntaban sin parar, pero nadie le daba. Los guardias nacionales y los soldados se reían mientras lo encañonaban. Él se tiraba al suelo, luego se enderezaba, hurtaba el bulto en el entrante de una puerta, luego brincaba, desaparecía, volvía a aparecer, huía, regresaba, contestaba la metralla con morisquetas y, sin embargo, arramblaba con los cartuchos, vaciaba las cartucheras y llenaba el cesto. Los insurrectos, jadeando de ansiedad, lo seguían con la vista. La barricada estaba temblando, él cantaba. No era un niño, no era un hombre, era un ser extraño, a medias golfillo y a medias duende. Hubiérase dicho que en la refriega era invulnerable. Las balas lo perseguían, él las esperaba con agilidad. perdón, él la superaba con agilidad, jugaba con la muerte, no se sabe qué juego del escondite amedrentador. Cada vez que se le acercaba la cara sata del espectro del bolsillo, le daba una toba. Pero por fin una bala más afinada o más traidora que las demás alcanzó al niño fuego fatuo. Vieron trastevillar a Gavroche, luego se desplomó. Toda la barricada soltó un grito, pero había algo de anteo en el pigmeo aquel. Para un golfillo tocar el empedrado al caer es lo mismo que para el gigante tocar la tierra. Gavroche no había caído sino para volverse a enderezar. Se quedó sentado con un largo hilillo de sangre cruzándole la cara, alzó ambos brazos al cielo, miró hacia el lugar de donde había venido el disparo y empezó a cantar. Me acabo de caer, la culpa es de Voltaire, una bala me dio, la culpa es de... No puedo terminar. Otra bala del mismo tirador lo detuvo en seco. Esta vez cayó con la cara contra el suelo y no volvió a moverse. Españoles, Gloria Fuertes ha muerto, y Alberti ha muerto, y Allen Ginsberg ha muerto, y Cristina Peri-Rossi morirá algún día, y el Club de los Poetas Muertos resuena al Club de los Poetas que aún están por nacer. Buenas tardes, soy... Gracias. Soy Alberto Sesmero otra vez y soy estudiante de esta facultad. Me gustaría dar las gracias a la facultad en general y a la organización de Como lo Oyes en particular por dejarme participar en esta edición. Para mí es un honor y un privilegio compartir atril y micrófono con las personas con las que lo puedo compartir hoy. Me gustaría además dar las gracias a Como lo Oyes por la predisposición que ha venido mostrando estas semanas por una serie de actividades que hemos propuesto. Cosas como esta y actividades como esta son las que hacen que la universidad sea universidad y no lo que algunos parecen pretender que sea. Así que, por mí, gracias por dejarme participar hoy y por todos, gracias por dejarnos a todos participar de lo que sois. Así que, Claudia y Carlos, desde ya, muchas gracias. Y me gustaría empezar leyendo Dulces Poetas de Orín. Resuenan las voces mudas, mudas por muertas, en mil paranoias críticas escupo sobre mi conciencia. Maldigo la letra, la tinta, maldigo a todos los poetas. Revivo rubíes perdidos en celdas de alas abiertas, caminan sin dirección los huesos, huesos de madre selva. Dulces poetas de Orín, salpicad de horrores la tierra, que muerto el perro, la rabia, se quedó aquí tan contenta. Y no hace falta porque va otro. Un poco más al hilo de la edición especial. Yo no soy un poeta maldito. No creo en la fe de las drogas, aunque sí en las drogas de la fe. No aúllo de noche por las calles, no echo de menos mis años de infancia. No recorro los bares buscando mis versos. No hay habitación doble al volver a mi cuarto. Yo no soy un poeta maldito. No creo en la elegancia de las sogas, ni de los revólveres, ni del gas. No soy un poeta maldito, pero joder, por un momento ojalá lo fuera. Ahora sí. Antes de marcharme me gustaría presentaros un proyecto que empecé este verano con un amigo mío. Muchos de vosotros ya lo conocéis, se llama Cláusula Inconclusa y lo que intentamos hacer es poesía, en este caso micropoesía, audiovisual. Nos gustaría intentar transmitir que concebimos la poesía como algo multidisciplinar y acercarla a un público que a lo mejor no está tan acostumbrado. Así que aquí va la primera pieza. Thank you. C'est difficile de parler après ce qu'on vient d'entendre. Hein. C'était très beau et très émouvant, je trouve. J'aurais bien aimé être son prof, lui. Bon, je voudrais vous montrer un autre aspect de l'art de Berti. La troisième fois, je lirai quelqu'un d'autre, qui fait beaucoup dans le récit bref, hein, la micro-fiction. Et en particulier, il a écrit un livre qui s'appelle « La vida impossible », et comme vous voyez, très difficile à traduire en français, donc « La vie impossible », qui est une succession de petits textes comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui parfois vont assez loin. Hein. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Ils sont brefs, vous allez voir. Le premier s'appelle « Double vie ». Quand j'appris que pendant ces 30 dernières années, mon père avait mené une double vie, je succombai à la curiosité et m'enquis du nom de son autre femme et de l'adresse de son autre foyer. Je frappai sous un prétexte quelconque, une inspection de la compagnie d'assurance ou quelque chose comme cela, et une femme grande et chevaline m'invita à entrer. Je ne pus en croire mes yeux. L'intérieur de ce foyer était une réplique parfaite de celui que nous avions partagé, mon père, ma mère et moi. Les mêmes meubles, les mêmes fauteuils tapissés de la même manière et distribués exactement de la même façon, et jusqu'aux tableaux, aux assiettes de porcelaine et aux sculptures de plâtre qui étaient identiques. De retour à la maison, je me suis consacré ce soir-là, avec un malveillant plaisir, à déplacer les meubles et à mettre la pagaille sur les étagères. Ma mère suivait mes mouvements avec perplexité, mais je ne lui dis rien de ma visite à l'autre maison et nous dînâmes en silence. Brusquement, je me souvins du jour où, étant enfant, j'avais cassé le vase chinois qui était à côté du canapé. La contrariété de mon père, quand il avait appris l'accident, m'avait paru disproportionnée. Maintenant, je pouvais le comprendre. Je pouvais même l'imaginer le lendemain, dans son autre maison, en train de détruire consciencieusement le vase correspondant, rien que pour conserver la symétrie de son autre foyer. Le même texte s'appelle « Un traducteur pressé ». J'ai essayé de choisir des textes de circonstance. Le traducteur pressé. Un éditeur de Paris, tout à fait novice, qui dirigeait une collection où la prépondérance était donnée aux livres classiques, non par amour pour les œuvres immortelles, mais parce que les auteurs morts ne prétendent pas recevoir de royalties. Donna à traduire le roman « Vatek » de William Beckford, sans savoir que l'anglais l'avait originellement écrit en français, et que la version qu'il prenait pour le texte source n'était autre que la traduction du révérend Samuel Henley. Le traducteur qui reçut la commande, un affable spécialiste de littérature gothique, ne dit rien de l'erreur. Bien au contraire, il fixa ses honoraires et débarqua 10 jours plus tard chez l'éditeur avec son travail achevé, c'est-à-dire avec une copie fidèle, à la lettre, de l'original français de Beckford. L'éditeur fut stupéfait. On lui avait dit que ce traducteur était très efficace, mais une pareille célérité lui semblait inconcevable. 2 mois passèrent et le spécialiste de littérature gothique reçut un appel de l'éditeur. La traduction est assez bonne, mais je me suis permis d'y introduire quelques changements sans aucune importance. Le traducteur était décidé à tout révéler, à éclairer le malentendu, quand il entendit l'autre lui recommander « Ne vous pressez pas tant la prochaine fois, ce n'est pas nécessaire et cela se sent. » Après un texte qui s'appelle le roman prémonitoire. Un érudit hawaïen, spécialiste de littérature anglaise, a annoncé la découverte d'un livre caché, un vieux roman de 1739 que personne n'avait jamais mentionné dans aucune des innombrables histoires littéraires en circulation. Le roman, œuvre d'une obscure narratrice à laquelle personne, pas même Walter Allen, dans son minutieux The English Novel, ne consacre le moindre commentaire, ne mériterait pas d'attirer autrement l'attention, n'était que la liste de ces personnages, comme l'a remarqué le spécialiste, offre une sorte de prophétie du roman en anglais. Il se trouve que, sauf pour le cas de 3 personnages qui sont, au dire de l'hawaïen, les futurs génies non encore révélés, tous ceux qui peuplent le livre portent des noms tels que Fielding, Bronte, Thackeray, Gaskell, Conrad, Butler, Melville ou Hemingway, entre autres. L'action du roman, gothique de toute évidence, se déroule dans un château secret et n'a rien de séduisant ni d'original. La trame, extrêmement embrouillée, réunit une centaine d'êtres aux noms prestigieux et bien que leurs prénoms ne concordent jamais complètement, Dickens s'appelle William, pour citer un exemple, il y a quelque chose dans leur allure et dans leur conduite qui laisse entrevoir la vie ou l'œuvre du futur écrivain. Un personnage du nom de James est décrit comme obèse et natif d'une autre contrée. Les parents d'une certaine Mary Austen sont un couple de philistins et ne disaient rien d'autre pour leur fille qu'un mariage convenable. Un certain Albert Beckford a la manière exaspérante de ne parler qu'en français. Le jeune Peter Green voyage partout avec sa tante. Le révérend Toby Stern se perd généralement dans des digressions complexes en prononçant son sermon. Un dénommé Charles Joyce est on ne peut plus myope. Un certain Lawrence Collins et le Dickens déjà mentionné sont inséparables amis. La récente publication du livre écrit par le spécialiste hawaïen a été suivie par la réédition de ce roman introuvable durant des siècles. Mais ce qui est étonnant, c'est l'espèce de fièvre que la découverte a provoquée chez les chasseurs de talents. Les gens chargés de recruter de nouvelles plumes ont remarqué, bien sûr, les noms dépourvus de prestige que comprend le roman, et on connaît déjà un éditeur londonien qui a fait une proposition millionnaire à un romancier de 18 ans sans avoir lu son premier livre, uniquement parce qu'il porte le plus extravagant des trois noms encore inconnus. Un autre petit texte très bref qui s'appelle Eduardo Berti, donc comme l'auteur. Même si je suis très occupé, chaque fois que j'arrive dans une ville qui n'est pas la mienne, je cherche dans l'annuaire s'il existe quelqu'un du même nom que moi, et si c'est le cas, j'essaie de fixer un rendez-vous. Je n'ai pu réaliser ce plan dans sa totalité que trois fois seulement. Je me souviens en particulier d'un homonyme italien. Nous nous promîmes que si nous avions un fils l'un et l'autre, nous lui donnerions évidemment le même prénom. Puis nous imaginâmes ses fils réunis un jour dans le café de Bologne en se faisant la même promesse. Encore deux courts, deux brèves, les mots à venir. Lors de mon premier voyage à Madrid, il fallait bien que je situe quelque chose à Madrid, je fis la connaissance d'un sympathique écrivain, membre de la Real Academia Española, qui le mardi et le jeudi après-midi retrouvait au Café Gijón cinq ou six académiciens âgés, dont il ne se lassait jamais, me dit-il, d'entendre les mêmes anecdotes et les mêmes théories sur l'étymologie de tel ou tel mot. Un mardi, à quelque temps de mon départ, l'écrivain annonça que c'était son anniversaire et que j'étais exceptionnellement invité à leur table. Nous boirions du champagne en son honneur, à la place du proverbial café arrosé. Oui, c'est Carajillo que j'ai traduit par café arrosé. À la fin de la soirée, il n'y avait plus que l'écrivain, deux vieux académiciens et moi, tellement ivres tous les quatre que je suis encore étonné aujourd'hui par la sagesse avec laquelle nous sûmes quitter les lieux en nous répartissant de façon que chacun des plus jeunes raccompagne chacun des plus vieux. Une fois dans la rue, avec le froid de la nuit, je perdis toute impression d'ivresse, pris mon académicien par le bras et le poussai avec vigueur dans un taxi. « Où va-t-on ? » demanda le chauffeur et je répétai la question en regardant le vieil homme. « Rue N, répondit-il. Comment lui dire, sans l'offenser, qu'il confondait la rue de son domicile avec celle de l'académie. Je trouvais aussitôt une façon courtoise. « Tiens donc, vous habitez dans la rue de l'académie ?» Mais l'autre me jeta un regard réprobateur. « Soyez pas idiot, c'est là que nous allons, précisément. » Nous arrivâmes à destination et je suivis l'académicien à l'intérieur. Nous longeâmes un couloir, nous descendîmes deux volées de marche et nous nous retrouvâmes dans un coin sombre. « Vous allez voir ce que bien peu de gens ont vu, » annonça-t-il. Sa voix tremblait. « C'est un secret. Vous ne devez le divulguer. Quoique, vous êtes tellement saoul que ce soir que demain, vous aurez tout oublié. » Le vieil homme ouvrit enfin un livre très ancien, plein de peluches et de poussière, et alla avec voracité vers les dernières pages. « Lisez !» m'ordonna-t-il. Et j'obéis. J'étais capable de lire, malgré l'obscurité, mais je n'avais jamais vu ce genre de mots dans aucun livre, dans aucun autre lieu. « Ce sont les mots à venir, » dit le vieil homme d'un ton confidentiel. « Vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants sauront peut-être les utiliser. » Pendant ce temps, une idée incongrue me traversait l'esprit. Je voulais en mémoriser au moins un, moi qui jouis d'une excellente mémoire. Mais tous les mots semblaient s'effilocher, même si je les prononçais très lentement. Et la dernière, qui s'appelle « Morale personnelle ». Dans un bourg perdu de Madagascar, la justice est rendue de façon originale. Car s'il existe un corps de loi commune établi, il est en même temps stipulé que lorsqu'il atteint l'âge de 20 ans, chaque habitant doit comparaître devant un juge pour lui exposer son idée personnelle du bien et du mal. Comme conséquence de cette pratique, Les individus doivent respecter non seulement un code social, mais également un autre, institué par eux-mêmes, à l'exacte mesure de leurs convictions. Il arrive très souvent que ces deux codes sanctionnent des conduites opposées, ce qui oblige à une modération extrême ou, dans certains cas, à une action absolue dans tel ou tel domaine. L'anthropologue allemand qui a divulgué tout cela en Occident a vu l'attention attirée par le fait que, communément, la justice condamnait beaucoup plus d'actes de désobéissance à l'éthique privée qu'à la loi générale. Rien de plus facile en apparence, mais de plus difficile en réalité, que d'obéir à sa morale personnelle. Siguiendo con los momentos estelares, pero más breves que la muerte de Gavroche, uno es, bueno, hay dos, están sacados de la señora Bovary. Uno es la descripción de la gorra de Charles al principio, cuando Charles es un estudiante, que es un momento antológico, y otro es el momento en que Emma coge el arsénico en el trastero del boticario. Charles Bovary, me imagino que la mayor parte ha leído el libro, pero en fin, al principio aparece Charles Bovary, un jovencito que llega al internado, y este es el comienzo del libro y la descripción de la entrada de Charles en el aula. Teníamos la costumbre, al entrar en el aula, de arrojar las gorras al suelo para que nos quedaran al hacerlo las manos más libres. Desde el umbral había que tirarlas debajo del banco de forma tal que pegase contra la pared y levantara mucho polvo. Era lo que se llevaba. Pero bien porque no se hubiera fijado en la maniobra, bien porque no se hubiera atrevido a respetarla, ya habíamos acabado el rezo y el nuevo tenía aún la gorra encima de las rodillas. Era uno de esos tocados de orden heterogéneo donde aparecen los elementos del morrión, del chascás, del sombrero hongo, de la gorra de nutria y del gorro de dormir. Uno de esos objetos lamentables, en pocas palabras, cuya fealdad callada alcanza las mismas honduras expresivas que el rostro de un imbécil. Ovoide y con unas ballenas que la abultaban, empezaba por tres rodetes, luego iban alternándose, separados por una tira roja, unos rombos de terciopelo y de piel de conejo. Seguía algo así como una bolsa que terminaba en un polígono de cartón forrado con un bordado de galones complicados y el que colgaba, en la punta de un cordón largo y demasiado delgado, una crucecita de hilo dorado a modo de borla. Era nueva y la visera relucía. Ya, no al final del libro, pero mucho más avance del libro, Emma, ya no sabe cómo salir de un montón de situaciones asaz complicadas, decide en un arrebato que va a suicidarse. Y entonces este es el brevísimo momento, pero me parece un momento estelar de la literatura francesa. Entró en el pasillo al que daba la puerta del laboratorio. Está en la casa del boticario. En la pared había una llave con una etiqueta que ponía Camaranchón. La llave giró en la cerradura y Emma se fue derecha al tercer estante, pues sus recuerdos la guiaban a la perfección. Agarró el bote azul, lo destapó de un tirón, metió la mano y, sacándola llena de un polvo blanco, empezó a comérselo. Esto es el suicidio de Emma Bovary. Otro momento estelar para mí es de Balzac, justo al final, el último párrafo de Le Père Goriot, cuyo título he traducido, traduje por El pobre Goriot. Y es cuando Rastignac, después de la muerte de Goriot, está en Montmartre, en los altos de una zona elevada de París, tiene a sus pies París y le lanza el desafío de que va a conquistarlo, como de hecho en otros libros de la Comédie Humaine lo consigue. Tras quedarse solo, Rastignac dio unos cuantos pasos hacia la parte alta del cementerio y vio París sinuosamente tendido por ambas orillas del Sena, donde empezaban a brillar las luces. Se le quedaron clavados los ojos casi con avidez entre la columna Vendôme y la cúpula de Les Invalides, en ese lugar donde vivía la buena sociedad, en la que había querido entrar. Le lanzó a aquella colmena zumbadora una mirada que parecía estarle extrayendo la miel de antemano y dijo estas palabras grandiosas: «Ahora vamos a ver las caras tú y yo». Regresó a pie a la calle de Artois y se fue a cenar a casa de la señora de Nucingen. Y cuarto momento estelar de esta entrega el momento en que Jean Valjean se encuentra con Cosette de Los Miserables en el bosque, cuando Cosette va cargada con el cubo de agua y Jean Valjean la encuentra y a partir de ese momento se hace cargo de ella. Yo sé si encuentro el texto, claro. Aquí está. Pero no podía adelantar mucho en aquellas condiciones y avanzaba muy despacio, por mucho que acortase las paradas y caminase cada vez al mayor, el mayor trecho posible. Pensaba angustiada que iba a necesitar más de una hora para volver hacia Montfermeil y que la Thénardier le iba a dar una paliza. Se le mezclaba aquella angustia con el espanto de estar sola y de noche en el bosque. Estaba exhausta y aún no había salido de él. Al llegar a un castaño viejo que le era familiar, hizo una última parada más larga que las otras para estar muy descansada. Hizo luego acopio de todas sus fuerzas, volvió a coger el cubo y echó a andar de nuevo valientemente. Pero no obstante, la pobre criaturita desesperada no pudo por menos de exclamar: ¡ay, Dios mío, Dios mío! En ese momento notó de repente que ya no le pesaba el cubo. Una mano, que le pareció gigantesca, acababa de coger el asa y la alzaba vigorosamente. La niña levantó la cabeza. Una forma grande y negra, tiesa y erguida, caminaba junto a ella en la oscuridad. Era un hombre que había llegado por detrás y a quien no había oído acercarse. Aquel hombre, sin decir palabra, había agarrado por el asa el cubo que ella llevaba. Existen instintos para todos los encuentros de la vida. La niña no tuvo miedo. Una lágrima cayó en la arena cayó una lágrima, y ¿sabes qué? La arena también lloró. Se habría sentido más cómoda en el mar. Bueno, lo daré un cuentito muy breve. Lo que más le reconfortaba por las mañanas era saber que al despertarse, él estaría allí. Mientras se estiraba, aplazaba poco a poco el momento de verle. Se levantaba despacio y se arreglaba, pero no demasiado. Tenía que estar guapa, pero descuidada, para que él pensase que tenía un algo natural que la hacía siempre bella. Sin duda, él ya estaba en la cocina, así que ella aprovechaba para colarse en el baño y, frente al espejo, echarse unas gotas de un perfume discreto. Entonces se acercaba y empujaba despacio la puerta. ¡Qué detalle! Él la habría cerrado para no molestarla. Al abrirla no percibía olor a café ni a desayuno, pero él estaba allí. Todo era brillante, bucólico. El día comenzaba realmente en el momento en el que cruzaba aquella puerta y entraba donde él la estaba esperando. Allí la abrazaba y la besaba. Se daban los buenos días y hablaban de los sueños que habían tenido la noche anterior. Porque ella realmente lo amaba. Ella amaba a su tostador. Vivieron durante meses su maravilloso idilio de jóvenes enamorados, hasta que todo hubo de terminar irremediablemente cuando ambos decidieron compartir un baño. Y al hilo del último micropoema, del próximo micropoema que os voy a poner, me gustaría recordaros que estamos recogiendo libros para un mercado de intercambio el próximo día 25 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro. Vamos a estar toda la mañana del miércoles recogiendo libros, o el propio jueves, que podéis acercaros también con el libro e intercambiarlo por cualquiera de los que ya tengamos allí. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que no tengo que presentarme, me conocéis todos, me parece. Yo quisiera empezar a dar las gracias también, en primer lugar, por supuesto, a la Institut Français. Ha sido un placer y un privilegio poder contar con ellos y colaborar con ellos. Gracias por la cálida acogida en Madrid, gracias también por venir a Salamanca. Todo eso, estas gracias os las dirijo en nombre del área de francés, no solo a la Institut Français, sino también a los traductores venidos de fuera, por supuesto también al director del Colegio de Traductores, traductores y también a la facultad y muy en particular a la decana, porque sin sus desvelos y su entusiasmo no estaríamos hoy aquí, eso está claro. Y por último también a los estudiantes por estar aquí y por haber participado en los talleres. Bueno, como sabéis, como belga que soy y traduzco del francés y del español y como hija adoptiva de España y en concreto de Salamanca, traduzco al español. Y hoy os voy a leer aquí un fragmento de una obra de un escritor belga de lengua francesa llamado Karl Nogak. Es que es un fragmento de una novela gráfica y con esta pequeña lectura me gustaría rendir homenaje a ese género, un género practicado con éxito por los escritores belgas, tanto flamencos como valones. El título es En el país de la memoria blanca y habla de la violencia, el terrorismo y del vacío que deja todo eso. Entonces voy a empezar a leer. Bueno, esta vez el tiempo pasa, tengo que ponerme gafitas. La otra vez no, pues ahora sí. O sea que empiezo a leer. También van a estar los dibujos, porque claro, en una novela gráfica el texto es importante, pero las imágenes también. Al principio, todo es blanco en mi cabeza. No pienso en nada. Y esa nada se me antoja blanca, parecida a una página en la que apetece dibujar, o semejante a las nubes más lentas. En medio de mi cerebro hay un peso que no deja pasar los pensamientos. Un agujero sin estrellas. Cuando trato de hablar, de mi boca no sale más que blanco. No es que me sienta mal, estoy ausente. Si me cambiaran de mundo, no protestaría. No es sino más tarde cuando me entero de lo de la bomba en el autobús, de los muertos amontonados encima de mi cuerpo, de la señora gruesa que seguramente me sirvió de escudo. La imagen me hace reír, no debería. Al menos recordará el olor a humo, a pólvora, insiste el policía irritado. No, lo siento. El perro que me habla tiene aliento de rata, por lo demás solo me entran ganas de huir. Por mucho que me interroguen, no me acuerdo de quién soy. A ratos eso me gusta. Sin embargo, la sombra en mi cabeza no tarda en volverse pesada. Me comunican que soy un perro. Muy bien, como si me dicen que soy una jirafa. El poli me tira mis papeles. Los encontraron debajo de mí una vez controlado el caos, junto al corazón. Me gritan, ¡eh, Rousseau! Mi nombre no me dice nada. ¿Y si fueras un malvado con pinche de esos gatos terroristas? Se burla el perro con sarcasmo. Larga por esa boca, que a mí me da igual. Sin saber muy bien por qué, tengo la convicción de que no sería capaz de matar ni una mosca, y de que podría freír a tiros a quien sostuviese lo contrario. Me han dejado marchar con un billete de 300 leis en el bolsillo, después de darme a firmar varios documentos. Los he rubricado con el dibujo de una pequeña momia, sin más. El muro de la comisaría se halla cubierto por carteles de «Se busca». En ellos aparecen solo, o casi solo, gatos, imágenes acribilladas a balazos. Matar sombras de papel. Perra vida, ¿qué pinto yo en esta ciudad? Se diría que el odio comienza aquí. En la calle el corazón de la gente late al revés. Todos se espían unos a otros. El vecino es un enemigo. Las paredes no solo oyen, sino que también ven. Pasa un autobús. En el interior se apiñan perros policía y sobre todo gatos presos, pegados al cristal con la mirada perdida, suplicante. Una imagen que no podré olvidar, grabada para siempre en mi flamante memoria. Me doy prisa. Por el momento todo lo que conozco de mí es un andar pesado, una cara supuestamente partida en dos y una llave. En la nota que me entregaron en mano figura mi dirección, número 13. Otro presagio de buena suerte. Me pierdo. Cada dos por tres me aparece un muro extraño en plena calle. Huele a hormigón fresco, como si hubiera caído del cielo hace solo un instante, o hubiera crecido esta misma mañana junto a la mala hierba. Por todas partes, la ciudad es una cárcel, cerrada por paredes sin puerta alguna. Pregunto el camino, la gente apenas me contesta. Y cuando me intereso por lo que ocurre, huyen de mí como de la peste. Prometo estrechar entre mis brazos a la primera persona que me sonría. Esta vez, nada de torpezas. Doy con la dirección sin ayuda de nadie. Entro en un edificio que no me suena en absoluto. Huele a alma muerta. Espero que no tenga que ver conmigo. Bienvenido a casa. Estoy a solas en la habitación. En mis labios, un mal sabor a pájaro muerto. Sin salsa, el canario resulta un tanto seco. Me gustaría dejar de sentirme invisible. Observo mi reflejo en un cubo de agua. Ahí estoy, ese careto al estilo de Ramsés, un poco borroso. Borroso, bueno, ya es algo. Qué extraño ver cómo mis ojos hunden para... Cómo mis ojos se hunden para luego resurgir como burbujas que amenazan con estallar en la superficie. A pesar de todo, estoy contento de reencontrarme conmigo mismo. De pronto, disparos hacia el cielo. Acecho sus trayectorias, las balas se aproximan, se abren en racimo. Algunas impactan en la parte inferior de la fachada, aunque llegan de tan lejos que simplemente vienen a morir. Escucho el vals de ráfagas. Para mi asombro, no oigo ni un solo grito, ni siquiera más allá en la lejana noche. ¿Acaso juegan a errar el tiro? ¿O es que los han educado para morir en silencio? Gracias. Carlos Lizcano est un écrivain uruguayen qui est né en 1949 et qui est, je le crains, beaucoup plus connu en France qu'en Espagne. Il a eu une trajectoire vitale assez difficile. Lorsqu'il a eu une vingtaine d'années, il s'est engagé dans les Tupamaros à Montevideo. Il a été arrêté par la police, par l'armée plutôt, torturé et emprisonné pendant 13 ans. Et maintenant, évidemment, comme tous ceux qui étaient en prison à cette époque-là, eh bien, ils sont au gouvernement. Et lui, il a refusé d'être ministre, il est directeur de la Bibliothèque nationale. C'est quelqu'un qui écrit des romans et des nouvelles et qui est aussi très intéressé par la réflexion sur l'écriture. Il a beaucoup de textes très, très intéressants sur le fait d'écrire, sur la difficulté d'écrire, etc. Alors, je vais vous lire une nouvelle de lui qui fait partie d'un recueil qui s'appelle « Le rapporteur »,« El informante » en espagnol. Et cette nouvelle, j'ai pris la plus courte, hein, parce que c'est ça qui a imposé mon choix. « Petit changement dans la vie. Brusquement, je m'aperçus que j'avais perdu une chaussure. Il me sembla que je devais protester pour cela, vu qu'un instant plus tôt, j'avais une chaussure à chaque pied. Au moment où j'allais le faire, un des policiers me l'a mis sous le nez, et je vis que c'était la gauche, juste celle qui me manquait. Par conséquent, je ne l'avais pas perdue sur le chemin accidenté entre le bar où j'avais été arrêté et le commissariat. Nous entrâmes et on me fit asseoir sur un long banc. Sur celui d'en face, il y avait une femme qui se bouchait l'œil avec un mouchoir et une petite fille qui s'endormait sur ses genoux. Dans un coin, il y avait un monsieur debout, en costume, cravate et chapeau, le dos raide. Une heure après, on me fait lever. « Non, Martin, dis-je. « Martin comment ?» me dit le policier. « Martin tout court. »« Il se fiche de toi, » lui dit l'un de ceux qui m'avaient amené. « Ah oui, vous êtes un petit marrant, » dit le premier. « Plus ou moins, » lui dis-je. « Bon, on va voir ça. Comment avez-vous dit que vous appelez ?»« Martin. Voilà ses papiers, » dit l'autre. Celui qui m'interrogeait regarde mes papiers. « C'était quoi votre nom, vous m'avez dit ?»« Encore ? C'est que nous sommes sourds. »« Ah bien, j'ai dit que je m'appelais Martin, » criai-je. « Ne criez pas. » « Mais vous ne m'avez pas dit que vous étiez sourd ?»« Bon, bouclez-le. » Quand vous serez décidé à me dire votre nom, faites-moi signe et on rigolera bien. Comme on sait, j'ai reçu de mes parents un prénom qui n'est pas Martin, mais ce soir-là, j'étais un peu gai, et après la bagarre dans ce bar, je ne sais pas quelle idée m'est venue de m'appeler Martin. Ce sont des choses qui arrivent. Les heures passaient, et de temps en temps, un policier venait, et feignant la distraction, il essayait de me prendre à surprise. « Votre nom, s'il vous plaît ?»« Martin, Martin tout court. » Alors, il y eut une quantité infinie de formalités. Ma femme, mes enfants, mes camarades de travail, tout le monde dû venir faire sa déclaration. À ma propre surprise, je ne sciais même pas chaque fois que quelqu'un m'appelait par mon ancien nom. Cela exigeait un certain effort, mais il était compensé par l'impression que quelque chose était en train de changer dans ma vie. C'était ce qui m'était arrivé de plus important jusque-là. Je me disais, il sera toujours temps de revenir en arrière. Pour le moment, l'important, c'est de voir ce qui se passe, jusqu'où tu es capable d'aller. Maintenant, c'est clair, après tant d'années, c'est très facile. Tout le monde me connaît sous le nom de Martin, jusqu'au juge qui vient me voir une fois par an et qui m'appelle Martin. La semaine dernière, il était là. Monsieur Martin, nous savons parfaitement comment vous appelez. Et si vous nous dites votre véritable nom, que, je le répète, nous connaissons, vous recouvrerez aussitôt votre liberté. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur le juge, mais c'est impossible. Je comprends la justice, l'ordre des choses, mais ce que vous me demandez m'obligerait à changer de personnalité. Je l'ai déjà fait une fois, jadis, et cela a provoqué des changements fondamentaux dans le monde, dans la société. Ça ne fut pas facile, croyez-moi. Il fallut réorganiser une longue histoire rétrospective, ce qui engendra une nouvelle histoire prospective à partir de ce jour-là. Je me fais vieux, monsieur le juge, je n'ai plus la force de recommencer. Je crois avoir le droit de continuer à être celui que j'étais jusqu'ici. Cela fait 25 ans, presque la moitié de ma vie. Très bien, monsieur Martin, signez ici, s'il vous plaît. Je vous reposerai la même question l'année prochaine. Nous nous reverrons à cette occasion. Je vous remercie de votre visite, monsieur le juge. Je signai le document et, sur le point de partir, le juge se retourna et revint dans ma cellule. Monsieur Martin, j'aimerais vous dire quelque chose, en confiance. Je vous en prie, monsieur le juge, nous nous connaissons bien, vous et moi. Ce qui se dira ici ne sortira jamais de ces murs. Je sais que je peux avoir confiance en vous, monsieur Martin. Je voudrais vous dire qu'il y a des années de cela, quand nous nous sommes connus, à l'occasion de ma première visite annuelle, j'étais un jeune juge, plein d'initiatives, et je dois le reconnaître, également un peu orgueilleux. Je crus alors qu'il me suffirait d'une seule entrevue avec vous pour obtenir que vous me disiez votre nom, c'est-à-dire celui que vous portiez autrefois et qui n'est plus le vôtre. Je croyais que la vie était aussi simple que cela. Je n'y arrivais pas, bien entendu, comme nous le savons tous les deux, et cela blessa mon orgueil. C'est avec une énergie renouvelée que je revins l'année suivante, uniquement pour m'apercevoir que j'en savais bien peu sur l'être humain. Avec le temps et nos rencontres annuelles, cette conviction se transforma en espoir, presque en plaisir anticipé. Je me préparais longtemps à l'avance pour chaque visite. Je comptais les semaines et les jours qui restaient avant que je vienne vous voir et que je vous offre la liberté en échange d'une simple reconnaissance. Il me semblait que ce n'était pas beaucoup demandé et qu'un jour vous accepteriez de répondre. Aujourd'hui, alors que moi aussi je vieillis, je dois vous avouer que ce serait une grande peine pour moi que de revenir l'an prochain et de ne pas vous trouver ici. « Ne vous inquiétez pas, monsieur le juge. Vous-même, avec la clarté qui vous caractérise, venez d'exposer une des raisons pour lesquelles ce qu'on me demande est non seulement improbable, mais également inacceptable. Si j'acceptais que je suis cette personne que je ne suis plus, j'introduirais par là un changement si énorme dans l'univers que je ne me le pardonnerais pas moi-même. Prenons comme exemple votre propre personne, monsieur le juge. Que feriez-vous l'année prochaine si j'acceptais l'offre que la justice me fait avec tant de générosité et que ce jour venu, je ne sois plus ici? Qu'arriverait-il si lundi, par exemple, j'appelais le gardien et lui disais que je suis prêt à reconnaître ce qui, de n'importe quel point de vue, est un mensonge? C'est justement de cela que je voulais vous parler. Si, dans l'intervalle, monsieur Martin, vous aviez changé d'attitude et reconnu devant n'importe quel fonctionnaire ce que nous demandons avec tant d'insistance et depuis si longtemps, et que vous avez de cette façon recouvré la liberté, ma conception de l'être humain en subirait un coup très dur. Je vous l'avoue, j'ai eu dans ma profession des raisons plus que suffisantes pour désespérer de l'être humain. Monsieur Martin, si vous n'aviez pas été là, vous et votre immarcessible exemple. Merci, monsieur le juge. Je ne sais pas si je puis vous faire une demande, monsieur Martin, mais je vous la ferai malgré tout, même si je regrette d'abuser de votre temps et de votre amabilité. Il ne me reste que quelques années avant la retraite. Au cas où vous décideriez à accepter la proposition que vous fait la justice, pourriez-vous attendre que je me sois retiré ? Monsieur le juge, ne serait-ce que pour votre propre tranquillité, je ne ferai jamais cette démarche avant que vous preniez votre retraite. Soyez tranquille, vous avez ma parole. Merci, monsieur Martin. Je ne me décidais pas à vous le demander, c'est ma femme qui m'y a encouragé. Soit dit en passant, elle vous envoie ses sincères salutations. Merci beaucoup, monsieur le juge. Faites-lui part de mon plus grand respect. Ma femme sait tout ce que signifie cette visite que ma profession et ma hiérarchie m'obligent à vous faire chaque année. Elle sait combien de nuits je ne dors pas avant de venir, la méticulosité avec laquelle je prépare les documents que je dois apporter. Elle sait que j'ai à plusieurs reprises renoncé à être nommé à la Cour de cassation, parce que si je l'étais, je ne pourrais plus venir vous voir. J'ai dit à ma femme que j'ai toute confiance en vous, que je sais que vous êtes un homme dont les principes ne lui permettraient en aucune façon d'accepter la proposition qui vous est faite. Mais pardonnez-moi, au fond, je suis toujours assailli par le doute, surtout pendant les jours qui précèdent notre rencontre. Alors elle m'a dit... « Pourquoi ne parles-tu pas, monsieur Martin, et ne lui demandes-tu pas de ne pas accepter l'offre avant que tu prennes ta retraite ?»« Très intelligent de la part de votre femme, monsieur le juge. Je vais apporter la nouvelle à la maison. Elle en sera très contente, monsieur Martin. Mes bien respectueuses salutations à votre épouse, monsieur le juge. Je n'y manquerai pas, mais j'ajoute une seule chose et je ne vous fais plus perdre votre temps. Ce n'est pas que j'ai oublié, mais à vrai dire, je craignais de vous offenser. Ma femme a tricoté ça. Une bêtise, c'est pour vous. » Il me tendit un paquet, et quand je l'ouvris, j'y trouvai une écharpe rouge. « Monsieur le juge, c'est beaucoup plus que ma modeste condition ne me permet d'accepter. S'il ne s'agissait pas de votre épouse, je me verrais dans l'obligation de refuser. Je dois aussi reconnaître qu'il fait froid dans ma cellule et que je n'ai plus 30 ans. » C'est ce qu'elle m'a dit. « Monsieur Martin doit avoir besoin de se couvrir. J'ignorais si vous accepteriez, mais vous savez comme les femmes sont pratiques. D'ailleurs, et je m'en vais là-dessus, elle m'a dit de vous demander si vous aviez besoin d'autre chose. Eh bien, même si cela vous paraît osé, je vais vous le dire. Dites à votre épouse, Violetta, elle s'appelle Violetta, très beau prénom. Dites à Violetta, monsieur le juge, que je serai très heureux d'avoir des gants de laine assortis à l'écharpe. Je le lui dirai. Et je pense que vous les recevrez bientôt, monsieur Martin. Non, non, pas question. Disons que vous me les apporterez l'année prochaine. Prenons ça comme garantie symbolique que je vous attendrai, monsieur le juge. Vous avez raison. Je me retire maintenant, monsieur Martin. Je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps. Au revoir, monsieur le juge. À la prochaine. He intentado pasar página, lo prometo. Pero en tu piel no encuentro la esquina de la que empezar a tirar. Redención, segunda parte, el individuo y la ciudad. Aún recuerdo cuando el metro iluminaba el reflejo de tus ojos de cristal astillado y yo buscaba en tu piel pintada de ruido blanco orden para tus pecas, todas heladas por algún frío nórdico o quizás dos o más, quién sabe, estáticas, quietas, inertes, desafiando cada hilo de plata que cruzase tu cabeza. Recuerdo que lo menos íntimo de ti eran siempre tus tobillos, que nunca se dejaron domar por los bajos del pantalón, que en el metro se cruzaban con mulatos, negros, chinos y lo que dimos en llamar españoles. Dije, tu voz es lo más similar que conozco al sabor de la aceituna, y quisiste llenar el vagón de lagartos e iguanas, sierpes y cocodrilos, y convertirlo todo en New York, que no durmiese nadie, derrumbar la bolsa y el Empire State Building, plantar musgo en la sien de quien cayese en el sueño. Aún recuerdo tu mirada de prepúber excitado, asimilando la venida del fin del mundo, comprometido con el psicotrópico de Cáncer y con el de Capricornio, pero sobre todo con el de Cáncer, comprometido con el norte y con el mar. Recuerdo que la gran ciudad acarició tu frente, te hizo destructor de palabra poética y en aquel vagón no hubo lagartos, pero el futuro comenzó a temblar cuando preguntaste ¿cuál es la próxima parada? Creo que, bueno, antes de poner el último micropoema, imagino que a estas alturas pues alguien podría decirme es que nada de lo que has leído tiene que ver con Francia. Y, bueno, podrían decírmelo y no sería verdad, pero me gustaría despedirme para no darle la razón a esta posible persona que podría decírmelo. Me gustaría despedirme con unas palabras de André Breton y que creo que... Bueno, hacen eco un poco de lo que pensamos todos al salir de aquí. Haced que os traigan recado de escribir después de haberos establecido en un lugar propicio a la concentración de espíritu. Haced abstracción de vuestro genio, de vuestros talentos y de los ajenos. Decíos que la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todo. Escribid rápidamente, sin tema preconcebido, bastante deprisa para no olvidar y no sentir la tentación de releeros. La frase vendrá por sí sola, pues es verdad que en cada segundo hay una frase extraña a nuestro pensamiento consciente que solo pide exteriorizarse. Gracias. Muchas gracias. Si queréis ver los demás, hay como otros 40 más disponibles en internet. Son todos de acceso gratuito, así que nosotros encantados. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, un poema de Pierre de Ronsard, que es... Ronsard tiene una extensísima obra, cientos y cientos de sonetos, de odas, de todo tipo de poemas, pero yo he cogido uno dentro de este criterio de momentos estelares para mí, de literatura francesa, que es uno muy conocido y que para mí es estelar, entre otras cosas, porque fue el primer poema, no el primero, porque primero se aprende Le Fable de La Fontaine cuando estudias en Francia, en la enseñanza francesa, pero cuando ya salimos de Fable de La Fontaine, el primer poema que aprendimos fue este brevísimo poema de Ronsard, La Oda a Cassandre, y entonces es un poema que yo tengo un inmenso cariño. He pedido permiso a los organizadores para decirlo en francés también, por el mero placer de decirlo en francés. Todo el mundo lo conoce por otra parte. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu sa trouvée près, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace, las, las, et là-dessus la place, mignonne, ses beautés laissées choir. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous m'en croyez mignonne, tandis que votre âge fleurant dans sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Et la... En castellano, para mí, da esto, que traduje hace unos años por el mero placer de traducirlo. Vamos juntos, preciosa mía, a ver si la rosa que abría al primer sol su roja gala luce en la tarde igual que antes su alda purpúrea de volantes y su tez que la vuestra iguala. Mirad ahí en qué breve plazo dejó caer ya del regazo sus primores, preciosa mía. ¿Qué madrastra es naturaleza? Si una flor tal no bien empieza, debe acabar en solo un día. En tanto vuestra edad no pierde la joven sabia el suco verde, oíd preciosa mi reclamo. Marchitará la edad madura como esta flor vuestra hermosura. Del tiempo mozo haced un ramo. Bueno, pues yo ya sé que más o menos siempre digo lo mismo, pero por desgracia vengo a cerrar, que sé que todos nos quedamos con la sensación de que escucharíamos mucho más. Cada vez que venimos aprendemos muchas cosas que no conocíamos antes y sobre todo creo que disfrutamos mucho del placer de la palabra, ¿no? Quizá nos hemos acostumbrado a leer solos en casa y en silencio y nos habíamos olvidado de esta sensación de que alguien te cuente algo, ¿no? En primer lugar, para ir cerrando, querríamos, el profesor Carlos Fortea y yo, los organizadores, dar las gracias por la oportunidad de que este Como lo oyes cerrase el coloquio. Creo que ha sido una oportunidad muy buena de hacer algo que no habíamos hecho, que fuera monográfico con un solo idioma, y por la sensación creo que ha salido muy bien, así que estamos francamente contentos. Quiero dar las gracias a Jean-Marie Salou y a María Teresa Gallego, porque sé que han dedicado tiempo a preparar estas lecturas y para nosotros es un placer tenerlos aquí, y también a Gudele y a Alberto, que aunque sean de la casa no por eso se merecen menos gracias, ¿no? Y de hecho creo que ya está claro que uno de los puntos fuertes de Cómo lo oyes es precisamente lo orgullosos que estamos de la labor de traductores, de nuestros profesores y del enorme talento que sabemos que hay entre los alumnos. Entonces, aunque aún no hayamos tenido ocasión de verlo, sabemos que en la sala hay gente que hace cosas francamente, pues, por ejemplo, a mí me han sorprendido mucho los micropoemas de Alberto, ¿no? Son nuevas propuestas que nos abren la mente. Cada vez que venimos descubrimos que entre el alumnado tenemos gente de verdad muy inquieta, que no solo lee mucho, sino que tiene también mucho que enseñarnos, ¿no? Así que creo que esta ha sido una lectura muy bonita en la que hemos visto exactamente lo que queremos aquí, ¿no? Pues aprovechar todo, la experiencia de las personas más mayores, la audacia de los más jóvenes. Y bueno, queremos dar las gracias al decanato que nos está apoyando en cada una de las iniciativas que últimamente, como lo oyes, ha estado promoviendo, pero las ha estado promoviendo por iniciativa de los alumnos, a los que también hay que dar las gracias porque están invirtiendo también mucho tiempo en ellas. Queremos dar las gracias al programa de radio Donde Lenguas, que siempre viene y graba y nos da soporte después en su página web, en su blog. Gracias también a Elena Palacio y a Ana por la cámara para grabarnos, que es lo que nos permite tener después difusión. Y bueno, ya sabéis que tenemos un blog en internet y hay un grupo en Facebook donde podéis estar al día de lo que vamos organizando. Si todo va bien, nos despediremos del curso con un último Cómo lo oyes en mayo, así que espero que nos veamos allí y que mientras tanto pues leáis mucho, escribáis mucho, traduzcáis mucho y disfrutéis del sol mientras dure. Muchas gracias. Sí.